Ma vie quotidienne. D'abord, je me réveille le matin à 8 heures. Je reste un peu au lit et je me lève à 8h15. Ensuite, je me lave le visage et je me brosse les dents. Après, je prends mon petit déjeuner. Parfois, je mange des céréales avec du lait ou je prends juste un croissant avec du jus d'orange. Plus tard, je me prépare pour ma journée. Je m'habille, je prends mon sac et je sors de chez moi pour aller au travail. D'habitude, je prends le bus. Je n'aime pas le métro parce qu'il y a beaucoup de monde. Mon travail commence à 9h30. Pendant la journée, je suis occupé avec mon travail. J'aime beaucoup mes collègues de bureau, ils sont très sympas. En plus, j'apprends beaucoup de choses intéressantes. Parfois, je déjeune au restaurant avec des collègues. Si je n'ai pas le temps, je mange un sandwich que j'ai préparé à la maison. Après le travail, je rentre chez moi vers 17h. Je retrouve ma famille. Nous allons faire une promenade ensemble 3 jours par semaine. Le soir, nous dînons à 20h pendant qu'on discute de nos journées et on rigole ensemble. Après le dîner, nous regardons une série télé. Enfin, je me prépare pour la nuit. Je prends une douche, je me brosse les dents et je mets mon pyjama. Ensuite, je vais au lit vers 23h et je m'endors paisiblement, prête pour une nouvelle journée. Voilà, c'est ma vie quotidienne, simple mais agréable.